fête pas la nouvelle année, moi. Joyeux Hanouka. Je fête pas Hanouka non plus. Tu fêtes quoi? Je travaille. Non, mais tu fêtes quoi dans l'année? Je fête rien du tout. Je fête rien du tout. Si, tu fêtes Rosh Hashanah, non? Ouais, Rosh Hashanah, c'est tout. Rosh Hashanah Tova. Toda Rabba. Très bien. Ça va ou pas? Ouais, pourquoi ça irait pas? Bah, je sais pas. Ça va très bien. Quoi? Ça va très bien. Bon, d'accord. T'es en train de bosser? Ouais. T'es sorti hier soir? Non, bah non, pourquoi faire? Bah, je sais pas, pour. Parce que tout le monde sort, il faut sortir. Non, non, c'est pas ce que je dis, Pascal. Et tu racontes? Rimbo. Ah, que du moche? Sauf que je suis meilleur que Rimbo. Et Rambo. T'es meilleur réunis. Que Rambo? Rimbo et Rambo réunis. Oh, c'est toutes des putes qui avaient surenculé. Toutes des sorcières. Ah, toutes des sorcières tatouées, plein de venin. Des sorcières tatouées? Plein de venin. Moi, je suis tatouée, mais je suis pas une sorcière. Hein. Bah, le tatouage, c'est interdit, ça maudit. C'est interdit par quoi? Bah, toutes les religions, même. Tu savais pas? Non. Ah, tu lis pas le Coran et tu passes ton temps à dire des Inch'Allah et des Mach'Allah? C'est l'islam, l'islam à la mode. Je suis quoi? Tu fais l'islam à la mode? Non, mais j'ai arrêté là, ça c'est quand j'étais à l'hôpital. Quoi? J'ai arrêté l'islam là. Quand t'étais à l'hôpital? Ouais. Mais attends, il y a trois jours je t'avais au téléphone, t'étais plein d'Inch'Allah, Mach'Allah, Inch'Allah, Astaghfirullah. Non, mais Inch'Allah, c'est ça, faut parler. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Si, ça veut dire si Dieu le veut. Non, ça veut pas dire ça en fait. Ça, c'est ce qu'on vous fait ça croire. Veut dire quoi? Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Ça veut dire quoi? Bah, demande à tes amis les Arabes de te dire la vérité. D'accord. Tu sauras, quand tu sauras, bon. Quand tu sauras ce que ça veut dire, tu seras un peu perturbé, disons. D'accord. Tu travailles sur quoi là? Pourquoi? Bah, pour savoir, parce que m'intéresse à toi. Je travaille tout court. Et sur ton livre, sur un disque? Plein de trucs. D'accord. T'es fâché contre moi? Non, pourquoi j'ai l'air? T'as fait quelque chose de mal? Non. Mais pourquoi je serais fâché contre toi si t'as rien fait de mal? Je suis pas ouf. Mais t'es froid. Ah bon? Non, il fait froid dehors, mais moi je suis chaud, je suis au chaud là. Je suis chaud, non, ouais, je suis chaud. T'es un froid ruisseau. Non, je suis chaud. Bon. Quand est-ce que je vois ta boue? T'as rendez-vous quand avec Lambert? Dans deux semaines. D'accord. Bah moi j'ai rendez-vous avec lui après-demain. D'accord, c'est bien. Donc je t'appellerai juste avant pour voir dans le secteur et je passerai devant, d'accord? Non, reste avec ton mec. Arrête de le rendre jaloux, c'est pas bien. Il croit qu'on a niqué ensemble et tu vas venir me voir. T'es une sadique, toi, un peu. Bah, je suis pas obligé de le dire, hein. Bah, t'es une menteuse aussi, donc c'est pas bien. Enfin, elle vient me dire que j'étais pas sa meuf, donc c'est bon, là, je trouve. Ah, démerdez-vous. Il est venu passer deux jours chez moi avec ses gosses? Ouais. Hein? Bah, c'est sûr que quand il croit que tu baises avec d'autres meufs, il a pas envie que tu sois sa meuf, non? Avec d'autres mecs, plutôt, il a pas envie que tu sois sa meuf. Hein. Bon, d'accord. Donc, tu veux pas qu'on se voit? Non, je veux que tu restes avec ton mec. Et que t'arrêtes de le rendre jaloux. C'est pas bien. Tu veux que j'aille voir? Quoi? Tu veux que j'aille voir? Bah, moi, je te verrais volontiers si t'avais pas un mec qui croyait qu'on niquait à chaque fois qu'on se voyait et qui vivait ça très mal, apparemment. Donc, sois gentil avec lui. Tu auras comment s'appelle, comment vous appelez ça? Des hassenettes. Ouais. Tu auras des hassenettes assez nettes. C'est c'est beau, c'est ma punchline, ça. Je suis embarrassé d'être pour t'intéresser d'être, t'as pas le droit de l'apprendre. Ah, tu m'as jamais appris cette punchline. Personne ne m'a jamais appris aucune punchline. Je te l'ai déjà dit. Ah, personne ne m'a jamais appris aucune punchline. Je suis le meilleur rappeur de tous les temps et je crée tout tout seul. Je sais, mon sauce. Bon. Eh ben... Occupe-toi de ton mec. Hein. Occupe-toi de ton mec. Quoi? Occupe-toi de ton mec. Ouais, mais ça m'empêche pas d'avoir des potes, hein. Oh, ça crée des problèmes, il croit qu'on nique, donc ça fait des problèmes. Ça devrait t'empêcher d'avoir des potes. Normalement, une meuf qui a un homme ne fréquente pas d'autres hommes. Normalement, c'est comme ça, mais bon, comme on est en enfer, tout le monde fréquente avec tout le monde baise avec tout le monde, et moi, ça me plaît pas du tout. Donc reste avec ton mec. Non, et... mais moi, j'ai jamais baisé avec toi, donc arrête de me dire que ça te plaît pas. Ouais, mais tu m'as fait des smacks. Alors que t'étais en couple. Tu m'as fait des smacks. Non, tu m'as fait des smacks. Tu m'as fait des smacks. On s'est fait des smacks. Si tu veux. Et pas les céréales. D'accord. Bon. Donc arrête de faire des smacks avec des gens, arrête d'avoir des amants qui passent chez toi quand ton mec n'est pas là. Et Freddy, c'est qui, Freddy? C'est mon ex. Ah, bah que tu voyais pendant que t'étais avec ton fameux Mamadou. D'accord. Non? Je mens? J'invente? Non, mais Momo, il arrête pas de me dire qu'on n'est pas un couple, donc je vois pas pourquoi je sais pas ce que je veux. Bah, et dans ce cas-là, quitte-le et baise avec qui tu veux. Reste pas avec lui pour l'humilier derrière. Mais je l'humilie pas. Quand tu baises avec Freddy, tu l'humilies pas? Non. C'est quoi alors? Tu lui fais plaisir, tu crois? Tu l'honores? Non, je dis ma vie de célibataire, parce qu'il passe son temps à me dire que je suis célibataire, et moi encore tout à l'heure que je t'ai pas célibataire. Bah, quitte-le dans ce cas-là, pourquoi tu restes avec lui, alors? Parce que je suis amoureuse de lui. Ah ouais, d'accord. T'es amoureuse de lui et tu niques avec d'autres hommes, je comprends tout, c'est vachement clair. C'était cet été. Ah bah, ça a beau être dans il y a 10 ans, ça revient à la même chose. Hein. Non, mais de toute façon, c'est bon, t'es pas bon, j'ai trop de conscience, hein. J'ai pas besoin que tu me dises si ce que je fais, c'est bien ou pas bien, merci. Ah, je croyais qu'on était amis. Les amis, ils se disent tout, hein. Non, mais ça fait 15 000 fois que tu me ressors cet argument, donc c'est bon. Ah, c'est pas un argument, c'est une saleté, ce que t'as fait. C'est une saleté, c'est pas un argument. C'est de l'ignominie. D'accord. Et tu devrais arrêter de faire ça si tu crois en Allah, comme tu dis. À part si Allah, c'est le diable. À part si Allah, c'est le diable, donc je comprends mieux pourquoi tu agis de la sorte. Bon. Ok, bah je te laisse. Je t'en prie.